J'ai tué ce vieillard. Te voilà délivré. Il faisait nuit, il était tard. Et tu l'as tué. J'ai renversé sur lui tout le poids de son lit. Son souffle a ralenti ses pulsations aussi. J'ai tué, vous voyez. Te voilà délivré. Et ce battement terminé. Et tu l'as tué. Il est raide mort, froid et crevé. Mais il l'a mérité. Son œil ne me gênera plus jamais. Je le découpe désormais en petits morceaux, bien propres, bien nets. Te voilà délivré. Les jambes, les bras et puis la tête. Et tu l'as tué. Je cache la viande sous le plancher. Te voilà délivré. Mais une voix ne fait que me répéter. J'ai tué ce vieillard. Te voilà délivré. Il faisait nuit, il était tard. Et tu l'as tué.